Le purgatoire selon Maria Sima. 15. Le rosaire, salut Marie. Quel est votre sentiment sur le rosaire? Le rosaire a un grand pouvoir de guérison et il est une grande source de grâce, et plus particulièrement s'il est prié en famille. Satan déteste le rosaire précisément pour cela. Le 16 décembre 1964, je suis rentré chez moi fatigué ce jour-là, et j'avais reçu une pile de lettres. J'allais les parcourir rapidement et répondre aux plus urgentes. J'en ai choisi deux. Je discernais que ce qui manquait chez les deux était la récitation du rosaire en famille, que cela dissiperait la détresse que connaissaient ces deux familles. J'ai pris mon classeur avec le papier à lettres et les enveloppes. Je l'ai mis ici au centre de la table, je l'ai ouvert et j'ai sorti deux feuilles de papier et deux enveloppes. Comme je le fais d'habitude, j'ai commencé à mettre l'adresse sur les enveloppes avant d'écrire les lettres. Soudain j'ai entendu un sifflement perçant et Satan se tenait là debout à ma droite, il avait pris la forme d'un bel homme de 30 ans plutôt sombre et me fixait d'un regard méchant, bouillant de haine. Je l'ai ignoré et j'ai continué à adresser mon enveloppe. Puis j'ai senti une odeur de fumée et cela m'a surprise. J'ai même regardé dans le classeur et par la fenêtre ouverte. Rien. Alors je me suis dit, je n'ai rien allumé aujourd'hui, ça doit venir de chez le voisin. Puis j'ai de nouveau regardé sur ma droite et Satan avait pris les deux feuilles de papier, les avait tirées jusqu'au bord de la table et avait placé sa main dessus. Il y avait sur la feuille une trace parfaitement noire de brûlé où il avait mis sa main, c'est cela que j'avais senti. Je lui ai alors ordonné de s'en aller au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, ce qu'il fit rapidement. J'ai ensuite terminé mes deux lettres et j'ai d'abord voulu jeter les deux feuilles brûlées, mais j'ai remarqué que seule la première était brûlée et que la feuille du dessous était simplement noircie. J'ai pensé alors que je ferais mieux de montrer cela à mon prêtre. Il était très heureux que je ne les ai pas jetées, car il voulait les faire étudier par un laboratoire à Innsbruck. À mon avis, c'est parce qu'il était physiquement impossible de faire brûler une des deux feuilles de papier sans brûler également celle qui se trouvait au-dessous. Il leur a donc envoyé les deux feuilles en leur demandant s'ils pouvaient faire la même chose. Ils nous ont renvoyé les feuilles au bout de 3 mois en disant que c'était impossible et que nous avions dû nous tromper en croyant que la deuxième feuille se trouvait sous la feuille brûlée. L'original a été perdu lorsque ma maison a brûlé, mais nous avions déjà une photo que nous avons gardée. La photo a été prise après que la feuille du bas eût été détachée. Bref, voilà à quel point Satan est le rosaire. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui trouvent le rosaire ennuyeux et inutile à cause de sa répétitivité? L'humilité exige de ne parler que des choses que l'on connaît. Ceux qui disent cela n'ont pas prié le rosaire. Méditer sur les mystères, méditer sur la vie de Jésus apporte tant de paix et de joie que Satan en devient enragé. Marie a fait beaucoup de promesses à ceux qui les prieront et elle les a faites par St Dominique. Je connais une femme qui a acheté un chapelet neuf à environ une centaine de mètres de l'église où elle se rendait pour prier avec un grand nombre de pèlerins. Agenouillée dans une rangée, elle a voulu prendre le chapelet dans son sac et n'a trouvé qu'un tas de petits grains et beaucoup de petits bouts de fils métalliques. Satan avait aplati tous ces petits anneaux de métal simplement pour l'empêcher de prier. Satan est la paix, il est la guérison, le rosaire a un grand pouvoir de guérison et c'est une arme très puissante contre lui. Une pauvre âme vous est-elle déjà apparue pour vous demander de prier le rosaire avec elle? C'est déjà arrivé une fois, je m'en souviens, c'était dans les années 50, je prenais le train pour Bludance. Il y avait beaucoup de voyageurs ce jour-là et, comme je le fais souvent, j'ai choisi le dernier wagon du train. Je suis monté et j'ai vite trouvé un compartiment occupé par une seule passagère et je me suis jointe à elle. Je ne m'étais pas encore installée qu'elle avait déjà sorti un chapelet de son sac en disant, « Bon, voilà quelqu'un qui va prier le rosaire avec moi. » J'ai été naturellement très heureuse de prier avec elle et personne n'est entré dans notre compartiment pendant que nous avons prié. En terminant, elle a dit, « Dieu soit loué » et elle a disparu. Je me suis donc retrouvée seule dans un compartiment avec une foule de gens qui couraient partout. Pas une seconde il ne m'était venu à l'idée que c'était une âme.